Troisième partie, chapitre 14 de La Commune. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. La Commune par Louise Michel. Troisième partie, La Commune. Chapitre 14, La Fin. Les états vermoulus craquent dans leur mâture. Toute l'étape humaine est debout, c'est le temps où vont s'émietter les vieilles impostures. Un souffle d'épopée emplit les ouragans, tocsin, tocsin, sonne dans les vents. Louise Michel. On eût dit que le triomphe venait, les ligues républicaines sortaient de leur réserve des premiers jours. L'internationale se faisait plus affirmative, à la corderie du Temple. La Fédération des chambres syndicales était venue, le 6 mai, adhérer à la Commune. Cette fédération comprenait 30 000 hommes. Les députés de Paris présents à Versailles, Floquet et Lecroix, avaient donné en termes énergiques leur démission à Versailles. Tolain restait toujours. Maintenant, Paris a une physionomie tragique. Les chars funèbres aux quatre trophées de drapeau rouge s'en vont plus nombreux, suivis par les membres de la Commune et des délégations des bataillons au son des Marseillaises. Les clubs des églises flamboient le soir. Là aussi montent des Marseillaises. Ce n'est pas le sourd roulement des tambours funèbres qui les accompagne, l'orgue les gronde dans les grandes nefs sonores. À l'église de Vaugirard, c'est le club des Jacobins. Leur idée de se réunir dans le sous-sol faisait penser à la cave où travaillait Marat. Ceux-là, c'était un souffle de 93 passant sous la terre. Le club de la Révolution sociale, à l'église Saint-Michel, au Batignolles, Combeau, à la première séance, parla comme devant les tribunaux de Bonaparte, de cette idée que les persécutions activaient sans cesse la liberté du monde. Du club Saint-Nicolas-des-Champs, le 1er mai, une députation envoyée à la Commune déclare que tout homme qui parle de conciliation entre Paris et Versailles est un traître. Quelle conciliation, en effet, peut exister entre le long esclavage et la délivrance? Dans 10 ou 12 églises, montait tous les soirs un chœur immense saluant la liberté. J'en entendis parler avec enthousiasme. Les femmes surtout y exhortaient à la liberté. Mais du 3 avril à la semaine sanglante, je ne suis venu que les 2 seules fois dont j'ai parlé et pendant de courtes heures. Quelque chose m'attachait à la lutte au dehors. Une attirance si forte que je ne cherchais pas à la vaincre. La première fois, j'allais à l'hôtel de ville avec une mission de la Cecilia dont je devais lui rapporter la réponse. À peu près à moitié chemin, je rencontre 3 ou 4 gardes nationaux qui, après m'avoir examiné, s'approchent de moi. « Nous vous arrêtons, » me dit l'un d'eux. Évidemment, j'avais quelque chose de suspect. Je pensais que c'était mes cheveux courts, passant sous mon chapeau, et qu'il prenait pour une coiffure d'homme. « Où voulez-vous être conduite ?» Je crois qu'ils prononcèrent « conduit ». À l'hôtel de ville, puisque vous voulez bien conduire vos prisonniers où ils veulent. Le brave homme qui m'interrogeait rougit de colère. « Nous allons bien voir, » dit-il. Nous nous mettons en chemin, eux m'examinant toujours, moi très grave, tout en m'amusant beaucoup. Une fois devant la grille, celui qui m'avait déjà parlé me dit « À propos, comment vous appelez-vous ? » Je lui dis mon nom. « Ah, cela c'est impossible, » dirent-ils tous les 3. « Nous ne l'avons jamais vue, mais ce n'est pas elle, bien sûr, qui se chausse comme ça. » Je regarde. J'avais mes godillots que le matin j'avais oublié de changer pour des bottines et qui passaient sous ma robe. Eh bien si, pourtant c'était bien moi. Et tout en les remerciant de leur bonne opinion, je pus les assurer qu'elles n'étaient pas justifiées. J'avais suffisamment de papier pour ne pas leur laisser le moindre doute. Ils m'avaient pris en effet pour un homme déguisé en femme, grâce aux godillots qui faisaient un effet particulier sur les trottoirs. La seconde fois, je ne sais plus si c'était à l'hôtel de ville ou à la sûreté, il y avait des malheureuses qui en sortaient en pleurant parce qu'on ne voulait pas qu'elles allassent soigner les blessés, car ils voulaient des mains pures, les hommes de la Commune, pour panser les blessures. Ils me dirent leur douleur. Qui donc avait autant de droits qu'elles, les plus tristes victimes du vieux monde, de donner leur vie pour le nouveau? Je leur promets que la justice de leur demande sera comprise et qu'elle y sera fait droit. Je ne sais ce que j'ai dit, mais la douleur de ces infortunés m'avait tant saigné le cœur que je trouvais des paroles qui allaient au cœur des autres. Elles furent adressées à un comité de femmes dont l'esprit était assez généreux pour qu'elles fussent bien accueillies. Cette nouvelle leur causa une si grande joie qu'elles avaient encore des larmes, mais ce n'était plus de douleur. Ainsi que des enfants, elles voulurent de suite des ceintures rouges. Comme je pus, je leur partageai la mienne, en attendant. « Nous ne ferons jamais honte à la commune, » me dirent-elles. En effet, elles sont mortes pendant la semaine de mai. La seule que je revis à la prison des chantiers me raconta comment deux d'entre elles avaient été tuées à coups de crosse de fusil, en portant secours à des blessés. Au moment où elles venaient de me quitter, elles, pour aller à leur ambulance à Montmartre, moi, pour retourner à Montrouge, près de la Cecilia, un paquet enveloppé de papier me fut jeté sans que je visse personne. C'était une écharpe rouge qui remplaça la mienne. Les agents de Versailles, devenus plus habiles, fomentaient de nouvelles divisions. Il s'en était élevé une à la commune à propos d'une proposition de M. Le Montant, l'un des traîtres glissés par Versailles dans les états-majors. Il annonçait le meurtre d'une ambulancière tuée et insultée par les soldats de Versailles. La majorité offensée par le manifeste de la minorité lui avait fait comprendre que devant la situation, il fallait dire comme autrefois, « Qu'importent nos mémoires, pourvu que la commune soit sauvée. » La nouvelle d'une catastrophe interrompt la séance. La cartoucherie Rapp venait de sauter. Il y avait de nombreux morts et blessés, quatre maisons écroulées, et, si les pompiers n'avaient au péril de leur vie arraché des flammes et les fourgons de cartouches, le sinistre ne s'en fut pas borné là. La première pensée de tous fut que la trahison en était cause. C'était, disait-on, la vengeance de la colonne Vendôme. Quatre personnes, dont un artilleur, furent arrêtées. Le comité de salut public annonça que l'affaire serait poursuivie, mais il n'avait pas la coutume, les terribles procureurs de la commune, de juger sans preuve, et il ne fut jamais éclairci. Les premiers qui ont pénétré dans la fournaise, disait Delescluze dans son rapport au comité de salut public, sont Abbeau, Denier, Buffo, sapeurs-pompiers, 6e compagnie. Puis sont accourus presque en même temps les citoyens Dubois, capitaine de la flottille, Jagot, marin, Boisseau, chef du personnel à la délégation de la marine, Février, commandant de la batterie flottante. Grâce à leur héroïsme, des fourgons chargés de cartouches dont les roues commençaient à s'enflammer, ainsi que des tonneaux de poudre, ont été retirés du foyer de l'incendie. Nous ne parlons pas du sauvetage des blessés et des habitants ensevelis prisonniers dans leurs maisons réduites en débris. Pompiers et citoyens ont à cet égard rivalisé de courage et de dévouement. Les citoyens Avrial et Sicard, membres de la commune, étaient aussi les premiers sur les lieux du danger. 12 chirurgiens de la garde nationale se sont rendus à l'avenue Rapp et ont organisé le service médical avec un empressement que je ne saurais trop louer. En somme, une cinquantaine de blessés, la plupart des blessures légères, voilà tout ce qu'auront gagné les hommes de Versailles. La perte en matériel est sans importance eu égard aux immenses approvisionnements dont nous disposons. Il ne rentrera à nos ennemis que la honte d'un crime aussi inutile qu'odieux, lequel, ajouté à tant d'autres, à défaut de ces invincibles moyens de défense, suffirait à tout jamais pour leur fermer les portes de Paris. Tout le monde a fait plus que son devoir. Nous avons peu de morts à déplorer. Le délégué civil à la guerre, C.H. Delescluze, Paris, le 28 Floréal, an 78. Comme on l'eût cru, il serait possible que la vengeance de la colonne eût été la catastrophe de la cartoucherie Rapp, infâme vengeance pour l'effigie de bronze sur des victimes de chair. Quelques jours après la catastrophe, une femme restée inconnue envoya à la préfecture de police, à Paris, une lettre qu'elle avait trouvée dans un wagon de première classe entre Versailles et Paris, racontant qu'un homme assis en face d'elle lui semblait agité. Aux fortifications, comme il entendit sonner les crosses de fusil des fédérés, il jeta un paquet de papier sous la banquette où la femme trouva la lettre qu'elle envoyait. État-major des gardes nationales. Versailles, le 16 mai 1871. Monsieur, la deuxième partie du plan qui vous a été remis devra être exécutée le 19 courant à 3h du matin. Prenez bien vos précautions de manière à ce que cette fois tout aille bien. Pour vous seconder, nous nous sommes arrangés avec un des chefs de la cartoucherie pour la faire sauter le 17 courant. Revoyez bien vos instructions, la partie qui vous concerne et que vous commandez en chef. Soignez toujours la muette. Le colonel-chef d'état-major. Le deuxième versement a été opéré à Londres à votre crédit. Un timbre bleu portant état-major de la garde nationale en exergue. Les événements ne permirent pas de vérifier si cette lettre était un moyen employé par Versailles même pour égarer les soupçons et les femmes mystérieuses qui disposent de lettres ou en trouvent n'ayant jamais inspiré de confiance à la commune, mais il n'était pas douteux que le crime vint de la réaction. Tireur juché sur cette échasse, si le sang que tu fis verser pouvait tenir sur cette place, tu le boirais sans te baisser. Cela n'empêchait pas le fameux quatrain qui, pour quelques heures, changea la colonne en pilori d'être vrai. Blanchet et Émile Clément, membres de la commune, qui n'avaient jamais donné prise aux soupçons, furent découverts comme ayant eu un passé réactionnaire. Peut-être on fut sévère, car tout converti a été hostile à l'idée qu'ils découvrent vrai. Cette conversion était leur droit, mais aussi en ces derniers jours où tout était piège, il n'en pouvait être autrement. Toute négligence en pareil cas n'était-elle point trahison. Le manifeste de la mairie du 18e contenait l'exacte vérité sur la situation. Oui, il fallait vaincre et vaincre vite. De la rapidité de l'action dépendait la victoire. Voici quelques fragments de ce manifeste adressé aux révolutionnaires de Montmartre. De grandes et belles choses se sont accomplies depuis le 18 mars, mais notre œuvre n'est pas achevée. De plus grandes encore doivent s'accomplir et s'accompliront parce que nous poursuivrons notre tâche sans trêve, sans crainte dans le présent ni dans l'avenir. Mais pour cela, il nous faut conserver tout le courage, toute l'énergie que nous avons eue jusqu'à ce jour. Et qui plus est, il faut nous préparer à de nouvelles abnégations, à tous les périls, à tous les sacrifices. Plus nous serons prêts à donner, moins il nous en coûtera. Le salut est à ce prix et votre attitude prouve suffisamment que vous l'avez compris. Une guerre sans exemple dans l'histoire des peuples nous est faite. Elle nous honore et flétrit nos ennemis. Vous le savez, tout ce qui est vérité, justice ou liberté n'a jamais pris sa place sous le soleil sans que le peuple ait rencontré devant lui et armé jusqu'aux dents les intrigants, les ambitieux et les usurpateurs qui ont intérêt à étouffer nos légitimes aspirations. Aujourd'hui, citoyens, vous êtes en présence de deux programmes. Le premier, celui des royalistes de Versailles, conduit par la chouannerie légitimiste et dominé par des généraux de coup d'État et des agents bonapartistes, trois partis qui se déchireraient eux-mêmes après la victoire et se disputeraient les Tuileries. Ce programme, c'est l'esclavage à perpétuité. C'est l'avilissement de tout ce qui est peuple. C'est l'étouffement de l'intelligence et de la justice. C'est le travail mercenaire. C'est le collier de misère rivé à vos coups. C'est la menace à chaque ligne. On y demande votre sang, celui de vos femmes et de vos enfants. On y demande nos têtes comme si nos têtes pouvaient boucher les trous qu'ils font dans vos poitrines. Comme si nos têtes tombées pouvaient ressusciter ceux qu'ils vous ont tués. Ce programme, c'est le peuple à l'état de bête de somme, ne travaillant que pour un amas d'exploiteurs et de parasites, que pour engraisser des têtes couronnées, des ministres, des sénateurs, des maréchaux, des archevêques et des jésuites. C'est Jacques Bonhomme à qui l'on vend depuis ses outils jusqu'aux planches de sa cahute, depuis la jupe de sa ménagère jusqu'au linge de ses enfants pour payer les lourds impôts qui nourrissent le roi et la noblesse, le prêtre et le gendarme. L'autre programme, citoyen, c'est celui pour lequel vous avez fait trois révolutions. C'est celui pour lequel vous combattez aujourd'hui, c'est celui de la commune. Le vôtre, enfin. Ce programme, c'est la revendication des droits de l'homme, c'est le peuple maître de ses destinées. C'est la justice et le droit de vivre en travaillant. C'est le sceptre des tyrans brisés sous le marteau de l'ouvrier. C'est l'outil légal du capital. C'est l'intelligence punissant la ruse et la sottise. C'est l'égalité d'après la naissance et la mort. Et disons-le, citoyens, tout homme qui n'a pas son opinion faite aujourd'hui n'est pas un homme. Tout indifférent qui ne prendra pas part à la lutte ne pourra jouir en paix des bienfaits sociaux que nous préparons sans avoir à en rougir devant ses enfants. Ce n'est plus en 1830 ni en 48. C'est le soulèvement d'un grand peuple qui veut vivre libre ou mourir. Et il faut vaincre parce que la défaite ferait de vos veuves des victimes pourchassées, maltraitées et vouées au courroux de vainqueurs farouches, parce que vos orphelins seraient livrés à leur merci et poursuivis comme de petits criminels, parce que Cayenne serait repeuplée et que les travailleurs y finiraient leurs jours rivés à la même chaîne que les voleurs, les faussaires et les assassins, parce que demain les prisons seraient pleines et que les sergents de ville solliciteraient l'honneur d'être vos geôliers et les gendarmes vos gardes-chiourmes, parce que les fusillades de juin recommenceraient plus nombreuses et plus sanglantes. Vainqueur, c'est non seulement votre salut, celui de vos femmes, de vos enfants, mais encore celui de la République et de tous les peuples. Pas d'équivoque, celui qui s'abstient ne peut même pas se dire républicain. Courage donc, nous touchons au terme de nos souffrances. Il ne se peut pas que Paris s'abaisse au point de supposer qu'un Bonaparte le reprenne d'assaut. Il ne se peut pas qu'on rentre ici régner sur des ruines et sur des cadavres. Il ne se peut pas qu'on subisse le joug des traîtres qui restèrent des mois entiers sans tirer sur les Prussiens et qui ne restent pas une heure sans nous mitrailler. Allons, pas d'inutiles, que les femmes consolent les blessés, que les vieillards encouragent les jeunes gens, que les hommes valides ne regardent pas à quelques années et prêts pour suivre leurs frères et partager leurs périls. Ceux qui, ayant la force, se disent hors d'âge, se mettent dans le cas que la liberté les mette un jour hors la loi, et quelle honte pour ceux-là. C'est une dérision. Les gens de Versailles, citoyens, vous disent découragés et fatigués. Ils mentent et le savent bien. Est-ce quand tout le monde vient à vous? Est-ce quand de tous les coins de Paris on se range sous votre drapeau? Est-ce quand les soldats de la ligne, vos frères, vos amis, se retournent et tirent sur les gendarmes et les sergents de ville qui poussent à vous assassiner? Est-ce quand la désertion se met dans les rangs de nos ennemis, quand le désordre, l'insurrection règne parmi eux et que la peur les terrifie, que vous pouvez être découragé et désespéré de la victoire? Est-ce quand la France tout entière se lève et vous tend la main? Est-ce quand on a su souffrir si héroïquement pendant 8 mois qu'on se fatiguerait de n'avoir plus que quelques jours à souffrir, surtout quand la liberté est au bout de la lutte? Non, il faut vaincre et vaincre vite, et avec la paix, le laboureur retournera à sa charrue, l'artiste à ses pinceaux, l'ouvrier à son atelier. La terre redeviendra féconde et le travail reprendra. Avec la paix, nous accrocherons nos fusils et reprendrons nos outils, et heureux d'avoir bien rempli notre devoir, nous aurons le droit de dire un jour « Je suis un soldat citoyen de la Grande Révolution ». Les membres de la Commune. Dereur J.B. Clément. Vermorel. Paschal Grousset. Cluseret. Arnold. T.H. Ferré. La prédiction s'est réalisée. Il y eut pire que juin et décembre. La faute en fut aux fatalités réunies de la trahison bourgeoise et de la connaissance trop imparfaite pour les chefs de l'armée de la Commune, du caractère des combattants et des circonstances de la lutte. Dans l'alternative, tout pouvait servir aussi bien une véritable armée disciplinée, telle que la voulait Rossel, que l'armée de la révolte telle que la voulait de l'Écluse. Les fanatiques de la liberté eussent trouvé beau pour vaincre de s'astreindre à la discipline de fer. Il fallait les deux armées, l'une d'airain, l'autre de flamme. Rossel ignorait ce qu'est une armée d'insurgés. Il avait la science des armées régulières. Les délégués civils à la guerre ne connurent que la grandeur générale de la lutte. Aller en avant offrant sa poitrine, levant la tête sous la mitraille, c'était beau. Mais les deux étaient nécessaires contre tels ennemis que Versailles. Dombrowski, parfois, eut les deux. Dans un ordre à l'armée, Roussel s'exprima ainsi. Il est défendu d'interrompre le feu pendant un combat, quand même l'ennemi lèverait la crosse en l'air ou arborerait le drapeau parlementaire. Il est défendu sous peine de mort de continuer le feu après que l'ordre de le cesser a été donné, ou de continuer à se porter en avant lorsqu'il a été prescrit de s'arrêter. Les fuyards et ceux qui resteront en arrière isolément seront sabrés par la cavalerie. S'ils sont nombreux, ils seront canonnés. Les chefs militaires ont pendant le combat tout pouvoir pour faire marcher et faire obéir les officiers et soldats placés sous leurs ordres. Si ce même ordre eût été donné de manière à faire comprendre qu'il s'agissait d'assurer la victoire, ceux qu'il froissait l'eussent accepté. Certes, les révoltés ne sont pas des fuyards, mais l'armée de Versailles étant le nombre, il fallait tactique et ardeur. La Commune n'eut jamais de cavalerie. Quelques officiers seulement étaient montés. Les chevaux servaient pour les prolonges d'artillerie et divers usages semblables. L'avantage en outre a des chances pour celui qui attaque. Rossel, habitué à la discipline des armées régulières et dont un arrêt avait été commué par la commune, l'accusa de faiblesse. Il se retira sans qu'on se fût compris, réclamant dans l'ardeur de sa colère une cellule à Mazas. Avec le concours de son ami Charles Gérardin, il s'échappa d'autant plus volontiers que la commune le préférait ainsi. Ce fut une perte réelle. Versailles le prouve en l'assassinant. Le délégué civil à la guerre, Delescluze, vieux d'années, jeune de courage, s'écriait dans son manifeste « La situation est grave, vous le savez. Cette horrible guerre que vous font les féodaux conjurés avec les débris des régimes monarchiques a déjà coûté bien du sang généreux. Et cependant, tout en déplorant les pertes douloureuses quand j'envisage le sublime avenir qui s'ouvrira pour nos enfants, et lors même qu'il ne nous serait pas permis de récolter ce que nous avons semé, je saluerai encore avec enthousiasme la révolution du 18 mars qui a offert à la France et à l'Europe des perspectives que nul de nous n'osait espérer il y a 3 mois. Donc, à vos rangs, citoyens, tenez ferme devant l'ennemi. Nos remparts sont solides comme vos cœurs. Vous n'ignorez pas d'ailleurs que vous combattez pour votre liberté et pour l'égalité. Avec cette promesse qui vous est si longtemps frappée que si vos poitrines sont exposées aux balles et aux obus de Versailles, le prix qui vous est donné, c'est l'affranchissement de la France et du monde, la sécurité de votre foyer et la vie de vos femmes et de vos enfants. Vous vaincrez donc. Le monde qui applaudit à vos magnanimes efforts s'apprête à célébrer votre triomphe qui sera celui de tous les peuples. Vive la République universelle. Vive la Commune. Paris, le 10 mai 1871, le délégué civil à la guerre, Delescluze. On se hâtait et tout était encore à venir. La liberté de Noury avait été décrétée dans les premiers jours, et il ne revint jamais. La maison de M. Thiers, démolie, avait empli la place Saint-Georges de la poussière de ses niaras. Elle devait lui rapporter un palais. Mais qu'importe les questions de l'individu, nous sommes plus près qu'alors du monde nouveau. À travers les transformations qu'il a subies, il mourait si l'éclosion tardait. Dans les maisons des francs-fileurs et dans les maisons de plaisir les plus infectes, sous tous les déguisements se cachaient les émissaires de l'ordre. On crut, en exigeant des cartes d'identité, les empêcher d'entrer. Mais, individu à individu, comme goutte à goutte, ils s'infiltraient dans Paris. M. Thiers, dès le 11 mai, avait demandé à l'Assemblée, apeurée et féroce, 8 jours encore, pour que tout fût consommé. La conspiration des Brassards avait été découverte, il en était d'autres restés inconnus. Versailles, renonçant à acheter les hommes qui ne voulaient pas se vendre, cherchait à mêler les siens où il pouvait livrer un mot d'ordre, ouvrir une porte. Ils avaient été mal inspirés en cherchant par l'offre d'un 1,5 million à acheter Dombrowski, qui en avertit le comité de salut public. Comment les gens de Versailles avaient-ils pu s'adresser si mal? Dombrowski, chef de la dernière insurrection polonaise, qui avait résisté presque 1 an à l'armée russe, qui depuis avait fait la guerre du Caucase et comme général de l'armée des Vosges avait montré que ses qualités n'étaient point celles d'un traître, ne pouvait servir la réaction. Versailles, pourtant, gagnait du terrain, puis semblait le reperdre. La souris victorieuse faisait tête, mordant le chat qui reculait. Le 21 mai au soir, devait être donné un concert au bénéfice des victimes de la guerre sociale, veuves, orphelins, fédérés, blessés, en combattant. Le nombre et le talent des exécutants faisaient de ces concerts de véritables triomphes. Agard y disait des vers des châtiments et y chantait la Marseillaise, d'une voix si puissante qu'elle hurlait, disaient les versaillais. Le dimanche 21 mai, 200 exécutants formaient une masse d'harmonie énorme. De bonne heure, l'auditoire débordait, avide d'entendre, pourtant les cœurs se serraient. C'était la trahison qu'on sentait monter. Un peu avant 5 heures, un officier d'état-major de la commune s'avança sur l'estrade et dit « Citoyens, M. Thiers avait promis d'entrer hier dans Paris. M. Thiers n'est pas entré, il n'entrera pas. Je vous convie pour dimanche prochain 28 à la même place à notre concert au profit des veuves et des orphelins de la guerre. » Furieusement, on applaudit. Pendant ce temps, une partie des avant-postes de Versailles entrait par la porte de Saint-Cloud. Un ancien officier d'infanterie de marine, nommé Ducatel, traître, encore sans emploi, rôdaient, cherchant pour en avertir Versailles, les côtés faibles de la défense de Paris. Avec le peu d'hommes dont on disposait, il ne doutait pas d'en trouver. Il remarqua que la porte de Saint-Cloud était sans défense, et avec un mouchoir blanc appela un poste de l'armée de l'ordre. Un officier de marine se présenta. Au même moment, les batteries versaillaises cessèrent le feu, et par petits pelotons, les soldats pénétrèrent dans Paris. La cessation du feu ne fut pas remarquée de suite. L'oreille y était si accoutumée que plusieurs semaines après la défaite, on croyait encore l'entendre. Enfin, on s'aperçut de cette cessation de feu. Quelques-uns en tiraient favorable augure. À d'autres, cela semblait étrange. Réunis au Mont-Valérien, M. Thiers, Mac Mahon, l'amiral Patureau télégraphiaient partout. 21 mai, 7 heures du soir. La porte de Saint-Cloud vient de s'abattre sous le feu de nos canons. Le général Douai s'y est précipité. Il entre en ce moment dans Paris avec ses troupes. Les corps des généraux Lamiraux et Clinchamp s'ébranlent pour les suivre. À Thiers. 25 000 hommes de Versailles, par trahison et sans combat, couchèrent cette nuit-là dans Paris. Fin de la fin.